Mosaïque. Bonjour à tous et merci d'avoir choisi ce rendez-vous sur Isanganiro. Le gouvernement burundais a adopté le 15 juin 2022 un projet de loi sur la nouvelle délimitation territoriale, un projet selon lequel le nombre de provinces passe de 18 à 5, le nombre de communes va passer de 119 à 42. Le nombre de zones et de collines sera revu à la hausse selon toujours le même projet. Le débat mosaïque va porter aujourd'hui sur cette nouvelle restructuration en cours, avec un accent particulier sur l'accès des citoyens aux services publics. Va-t-on parler de décentralisation ou déconcentration ? Quelle est la plus-value par rapport à cette nouvelle délimitation ? Comment seront les pouvoirs des gouverneurs de province, des administrateurs communaux, des chefs de zone, etc. et surtout, comment les citoyens vont accéder aux services publics, la distance à parcourir, le temps, etc. Pour tenter des éclaircissements, nous sommes avec trois invités sur le plateau. Francis Rohero, un indépendant, vous étiez candidat à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs de Radio Isanganiro. Honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, vous aussi vous étiez candidat à la même présidentielle de 2020 au nom du Parti Congrès National pour la Liberté, CNL. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation et je profite de l'occasion pour saluer aussi les téléspectateurs et les auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Merci. Et puis nous sommes avec vous, professeur Simeon Barumwete, politologue, enseignant d'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Le trio François Akimana, Divine Girukwishaka et Jérôme Ndayishimiye assure la mise en onde. Réalisation d'Alain Désiré Boukeneza à la présentation Léonce Vitario. Isanganiro. Permettez d'écouter ensemble cet extrait du secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais, Prosper Naurwamiye, qui parle des motivations de ce projet de loi. La nouvelle délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et des quartiers proposés se fonde notamment sur les éléments suivants. La mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, l'harmonisation avec les organisations administratives des pays de la sous-région, la création des entités territoriales financièrement viable, une administration de proximité au service du citoyen, une diminution des charges de l'État envers les communes et une diminution des charges des communes et une augmentation de l'assiette fiscale. En vue de procéder à un regroupage réaliste, il a été pris en compte, entre autres, les critères suivants. La proximité géographique et les réalités sociologiques, les spécificités et les potentialités des structures déconcentrées et décentralisées, la viabilité économique et financière des communes, les barrières naturelles et la dimension démographique, la complémentarité et le développement équilibré des entités administratives décentralisées, les expériences du passé en matière d'évolution de l'organisation administrative du Burundi, les expériences du passé en matière d'évolution de l'organisation administrative du Burundi, la disponibilité des infrastructures socio-économiques de la commune et l'accessibilité des services de proximité. Sur base de ces critères, les résultats atteints sont les suivants. Le nombre de provinces a été réduit, passant de 18 à 5 provinces, à savoir province de Bujumbura, composée des communes de Bubanza, Bukinanyana, Chibitoke, Mpanda, Mubimbi, Muha, Muhuta, Mukaza, Mugina, Mugongomanga et Ntahangwa. Le chef-lieu de la province se trouve à Bujumbura. Deuxième province, province d'Obuhumuza, composée des communes de Butaganzwa, Butihinda, Changuzo, Gisagara, Gisuru, Muinga et Ruigi. Le chef-lieu de la province se trouve à Changuzo. Troisième province, province de Gitega, composée des communes de Bugendana, Gishuwi, Gitega, Karusi, Kiganda, Muramvya, Mwaro, Nyabihanga et Shombo. Le chef-lieu de la province se trouve à Gitega. Province de Burunga, composée des communes de Bururi, Matana, Makamba, Mpinga Kayove, Mabanda, Rumonge et Rutana. Le chef-lieu de la province se trouve à Makamba, province de Butanyerera, composée des communes de Busoni, Matongo, Kayanza, Kiremba, Kirundo, Muhanga, Mumba et Tangara. Le chef-lieu de la province se trouve à Ngozi. Le nombre de communes a également diminué, passant de 119 à 42, tandis que les zones et les collines comme structure de proximité ont sensiblement augmenté, passant de 399 à 447 pour les zones et de 2910 à 3037 pour les collines. Après échange et débat, le Conseil des ministres a reconnu l'importance du travail qui a été réalisé et a adopté le projet avec comme recommandation de placer le chef-lieu de la commune Haangwa au chef-lieu de l'actuelle commune Mutimbuzi. Collaborer avec les services spécialisés pour indiquer les superficies réelles des différentes entités. Préparer la carte administrative à annexer au projet de loi. Trouver d'autres appellations pour les collines se trouvant dans une même zone et qui portent le même nom. Aussitôt la loi promulguée, faire en sorte que les chefs-lieux des provinces aient tout ce qui est nécessaire pour qu'ils soient viables. Procéder à la digitalisation de l'administration territoriale. Procéder à la mise à jour des textes induits par cette réforme. Chercher les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cette réforme. Élaborer la version Kirundi du projet de loi. Honorable Agathon Rwasa, le processus est déjà entamé. Ça vous fait quel sentiment, quelle image? Tout d'abord, c'est pour le CNR et pour moi-même, c'est pas quelque chose qui m'étonne, c'est plutôt quelque chose que j'accueille favorablement parce que c'était même dans notre programme qu'on devrait travailler à réduire les entités administratives afin de majorer le budget d'investissement au détriment du budget de fonctionnement qui accapare presque tout actuellement. Aussi, c'est quelque chose que nous avons pensé être nécessaire comparativement à d'autres pays qui nous entourent, qui sont plus larges que le Burundi, mais qui comptent moins de circonscriptions administratives. Aussi, je pense que peut-être ça devrait aussi procurer un peu de satisfaction. Dans son discours inaugural, le président Ndayishimiye a dit qu'il allait emprunter des programmes de ses concurrents. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, en quelque sorte. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? C'est là où se trouve la question. Vous avez parlé notamment de l'accessibilité des services. Est-ce que vous auriez été contacté pour... Non, non. Je pense que ça, ce n'est pas dans la façon de faire de ceux qui gèrent ce pays. Je crois que tout se concocte au niveau du parti. On n'a pas besoin d'autres. Mais la question qui peut se poser, c'est la qualité des services. Est-ce que ça va s'améliorer de fait ou bien ça va rester comme c'est aujourd'hui? Et là alors, ça sera vraiment difficile à réaliser ce rêve-là. Mais aussi, je dois dire qu'il y a quand même une certaine contradiction dans ce projet du gouvernement. Si on réduit le nombre des provinces, le nombre des communes, comment on rehausse le nombre des collines et le nombre des zones? Je crois qu'on devrait aller dans le même sens ou garder tout au moins les collines comme elles sont aujourd'hui et les zones comme elles sont. Sinon, ça serait comme ce qui s'est fait il y a quelques années, où on a justement prétendu qu'on allait réduire le nombre d'entités administratives, notamment avec Bujumbura, où 13 zones ont été réduites à 3 communes, mais en même temps, on créait la province d'Urumonge et 2 autres communes. Donc, on disait en fait une chose et on faisait en même temps son contraire. Et cette déconcentration, décentralisation, vous estimez que c'est comment? Moi, je pense que ces vocables de décentralisation, de déconcentration, c'est délicat de les aborder. Pour moi, s'il faut parler de décentralisation, il faut que les services étatiques soient accessibles aux populations. Maintenant, c'est cette question-là que j'ai déjà soulevée, de la qualité des services que l'administration, que les pouvoirs publics offrent à la population. Est-ce qu'avec l'extension des entités administratives, il va être plus aisé à la population d'accéder aux services de l'État, au niveau de la commune par exemple, ou au niveau de la province, au vu de l'étendue que ça va prendre? Attendons voir, Le gouvernement promet la digitalisation pour faciliter la tâche aux citoyens. Mais ici aussi, on peut se poser la question de combien de Burundais sont capables de manipuler ces moyens modernes de communication et d'information. Attendons voir, mais d'emblée, vous estimez que les pouvoirs ou les cahiers de charges pour les gouverneurs de province, les administrateurs communaux, les chefs de zone, etc., sera comment ? J'estime qu'on doit les redéfinir. Mmh. On doit les redéfinir par rapport même à la population qui sont appelés à servir. Une province qui comptait, disons, 600 000 personnes, par exemple, associée à une autre qui en compte actuellement 700 000 et une autre qui en compte peut-être 1 million, vous comprendrez que ce gouverneur qui devrait être en poste doit avoir des capacités, doit avoir des compétences beaucoup plus accrues par rapport à l'actuel, de même qu'au niveau de la commune. Et là, c'est tout le jeu qui doit être mis en marche par rapport aux dispositions légales en vigueur aujourd'hui. Il y a beaucoup de textes normatifs qui devront être retouchés absolument. Et si on ne le fait pas ainsi, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre à ce moment-là. Attendons. C'est la même question chez vous, Francis Lohero. Vous suivez de près des questions politiques du pays. Votre sentiment par rapport à cette restructuration territoriale, c'est comment ? Oui, comme il vient de le dire mon ami ici, honorable Wassa, c'est d'abord pour moi une satisfaction de prendre une décision. Une décision de quelque chose que j'avais aussi pensé dans mon groupe, comme une décision dans la plupart de tout ce que j'avais proposé. Mais une décision qui tombe peut-être à un moment où je ne crois pas qu'il a été suffisamment préparé. Parce que penser quelque chose est une chose, mais la mettre en application est une autre. Donc jusque-là, je suis d'accord avec le fait de diminuer les provinces. Pas tout à fait d'accord avec le fait de diminuer les communes. Dans mes propositions, je n'avais pas pensé à diminuer les communes. Parce que je distingue très nettement la différence entre un gouverneur, qui est jusque-là un acteur du gouvernement au niveau local, et de la fonction de l'administrateur, qui est tout à fait autre, un représentant du peuple, quelqu'un qui essaie de demander au gouvernement de mettre en application son programme au niveau de la commune. Donc il parle pour le peuple, c'est différent d'un gouverneur. Jusque-là, donc, c'était différent. Et dans ce que moi je proposais aussi, et ce qui n'est pas tout à fait en rapport avec ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, c'est que moi l'ambition c'était de revoir la manière d'occuper notre territoire, la République du Burundi, à ce qu'on n'habite pas dans un habitat éparpillé sur tout le territoire, qu'on essaie de recadrer pour qu'on se dise on a besoin des forêts, on a besoin du développement, c'est-à-dire d'un espace. Je prévoyais 40% pour les forêts, je prévoyais aussi 40% pour l'agriculture, l'élevage et la plupart des travaux de développement. Je prévoyais 12% pour les villes dans leur ensemble et seulement 8% pour des réserves. Donc dans ce sens, en voulant essayer de limiter dans l'avenir, je remarquais que... Vous aviez déjà planifié tout ça. Effectivement, vous le savez, vous avez déjà eu mon livre, tout est écrit là-dedans. Donc je m'imaginais que dans 30 ans, la population burundaise ne devait plus être éparpillée sur tout le territoire et que cela pourrait favoriser naturellement les activités de développement telles que moi je l'envisageais. Mais ce que je ne trouve pas correct, c'est que cette mesure vient comme si elle tombe du ciel d'un coup, n'étant pas en rapport avec les autres mesures qui devraient suivre, notamment des investissements dans d'autres domaines qui devraient être prise en compte pour que cette mesure soit réelle. Parce que si cela n'est pas fait, on va se retrouver dans 2 ans ou 3 ans encombré par une mesure qui ne nous a pas servi. Et les gens vont recommencer à vouloir revenir sur le statu quo. Alors, on ne pourra pas vraiment s'en sortir. Une mesure qui ne nous aura pas servi. Comment ? Je suppose que celui qui prend une mesure, il a un objectif. Un objectif qui peut être politique, qui peut être sécuritaire ou qui peut être développemental. Donc à son niveau, s'il n'arrive pas à avoir le résultat qu'il veut, ou si la population n'arrive pas à atteindre ce qu'ils veulent, la mesure va être encombrante. On va s'en défaire d'ici quelques années. Alors, pour qu'une mesure soit correcte, il faut qu'elle soit accompagnée de beaucoup de mesures. Ce que moi, je montre par rapport aux investissements qui doivent l'accompagner pour qu'on prenne des mesures qui arrivent à satisfaire la population. Je prends un exemple. Quand on dit que c'est la décentralisation, moi, je ne pense pas que décentraliser signifie c'est par rapport à un individu. On décentralise par rapport à la satisfaction que l'individu, la population a d'avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire les services. La population burundaise, qu'est-ce qu'elle cherche dans un pouvoir? C'est des services. On a besoin d'être servi. C'est-à-dire, si on reçoit des services, on est satisfait. Ce n'est pas par rapport à diminuer les gouverneurs ou les administrateurs. Ce n'est pas ça qui gère franchement la satisfaction. La satisfaction, c'est un autre niveau. On doit investir ailleurs pour satisfaire la population. Et deuxièmement, je ne crois pas que multiplier les impôts dans un pays puisse passer par une diminution, une augmentation des entités administratives. Ce n'est pas possible parce que les gens qui sont dans des activités économiques, les gens qui donnent des impôts, ils n'augmentent pas ou ils ne diminuent pas parce qu'on a diminué des entités administratives. Ce n'est pas par rapport à ça. Et c'est aussi ce que je remarque chez nous. On est dans un pays où celui à qui on donne une responsabilité, ça lui donne une puissance d'être recherché par la population. Est-ce qu'on va sortir de ce problème où chacun veut être chef chez lui, où la complémentarité entre les chefs est difficile? Oui, donc, Francis en diminuant Mayer. Les provinces, c'était bon pour moi que dans un espace aussi large comme le Nord, si j'ai besoin d'investir là-bas, je n'ai pas affaire à quatre gouverneurs, à Ngozi, à Kirundo et à Muyinga. Je peux facilement communiquer avec un seul gouverneur. Mais par contre, je ne serais pas d'accord si les communes sont dans les mêmes conditions parce que la proximité avec la population n'est pas réelle dans ce cas. Justement, quelle serait la plus-value? La plus-value, selon vous, dans cette restructuration pour les pouvoirs publics et surtout pour les citoyens? D'autant plus que nous avons justement voulu mettre un accent particulier sur l'accès des citoyens aux services publics. Pour moi, la plus-value, c'était d'abord l'accès au développement, la possibilité d'investir dans des espaces plus larges. Je suis juste convaincu qu'avec de grands espaces, avec la diminution de la lourdeur administrative, ça nous aide à possibiliser un développement dans des espaces viables, assez convenables. Ça nous amène à rapprocher la population, à fonctionner ensemble sur de grands espaces. C'est uniquement cela. Dans le cas contraire, nous sommes dans un pays où la population est suffisamment nombreuse. Aujourd'hui, on approche les 500 habitants au kilomètre carré. Donc, il nous faut renforcer l'investissement dans d'autres secteurs pour pouvoir satisfaire la population. On ne le satisfait pas en diminuant ou en augmentant les entités administratives. Merci. Professeur Simeon Barumete, votre analyse, le nombre de provinces et de communes sera réduit. Que gagnent nos citoyens? Avant peut-être de répondre à cette question, que gagnent nos citoyens, parce que c'est une question peut-être très importante. Chaque réforme doit aboutir à des résultats peut-être palpable pour le citoyen. Mais déjà, je voudrais d'abord exprimer mes inquiétudes, parce qu'on voit que depuis vraiment la période coloniale, le Burundi n'a toujours pas réussi à avoir une idée de sa commune, de ses dimensions, mais aussi peut-être de ses ressources, pour qu'on puisse se dire, voilà, nous avons une taille minimale d'une commune qui peut être constituée comme étant la base du développement. Et on voit que depuis l'indépendance, il y a toujours des chambardements, il y a toujours des réformes sur réformes. Et des fois, on peut se poser la question, est-ce qu'on a une vision d'une commune ou on est dans l'improvisation? Parce que si on regarde depuis 1933, avec les autorités coloniales, avec le Burundi, ils avaient établi 9 territoires, par après qui étaient composés en 36 chefferies, et 570 chefferies, sous-chefferies qu'on pourrait comparer avec les zones. Trois ans plus tard, ça veut dire nous sommes en 1960, on va réduire les chefferies qui étaient 36 et on va avoir 18 provinces. Et nous sommes en 1960. En 1962, d'abord dans les élections communales de novembre 1960, octobre-novembre 1960, on avait 181 communes. 181 communes. Deux ans après, ça veut dire le 1er mars 1962, on va réduire encore une fois les provinces qui avaient été divisées par deux en 1960. On va avoir 8 provinces. Et on va garder 8 provinces jusqu'en 1982. Et en 1965, on va réduire les communes avec l'arrêté royal de 1965. On va réduire les communes. Donc, on va passer de 181 communes, cette fois-ci, à 78 communes. On pourrait se dire peut-être qu'ils avaient vu que les communes étaient très nombreuses, qu'il fallait peut-être restructurer. Donc, on comprend qu'on n'a pas vraiment une vision claire. Et en 82, c'est après la constitution de 1981, le président Bagaza va ériger 15 provinces. Ça veut dire qu'on augmente les provinces. On vient de 8 et on va à 15. Et on va augmenter le nombre de communes. On va passer de 78, d'ailleurs 79, parce qu'en 1960, on avait créé la commune de Wikinanyana. On va passer donc de 79 communes à 114 communes. Et en 2005, avec la nouvelle loi communale de 2005, nous avons 129 communes. Et en 2016, avec tout ce qui s'est passé en 2015, on va réduire les communes à Bujumbura, une nouvelle configuration en tenant compte de la réalité politique de 2015. De 13 à 3. Et le Burundi va compter 119 communes. Et voilà, six ans après, pour 2022, nous aurons 42 communes. On n'est qu'au niveau, si vous voulez, d'un projet de loi qui a été adopté au niveau du Conseil des ministres. On ne sait pas par après. En résumé, honorables députés, cela signifie quoi? Vous partez de 1933. Je vous ai dit que nous sommes dans manque de vision, dans l'improvisation qu'on n'a pas encore bien définie. Ce que nous appelons ici au Burundi la base du développement, on n'a pas encore une vision claire sur ce que devrait être une commune, sur les ressources que devrait avoir une commune pour qu'effectivement elle soit une base du développement. On se cherche encore et on ne sait pas si avec cette réforme qui est annoncée, avec le 15 juin que vous avez 2022, si c'est déjà vraiment une étape ultime de ce découpage administratif qui répond plus ou moins à la vision que nous avons, peut-être du développement, on ne sait pas si on est déjà lancé ou si, parce qu'il y a encore beaucoup de textes, beaucoup de mesures à mettre en place pour que vraiment nous ayons une vision claire si réellement les objectifs qui ont été avancés, les critères qui ont été annoncés vont effectivement conduire les communes ou renforcer la politique de décentralisation, peut-être avoir une plus-value de cette réforme. Avant que peut-être il y ait d'autres mesures qui soient là, on ne peut pas être convaincu avec tout ce qu'on nous a annoncé que finalement ça va conduire au développement, ça doit conduire à la décentralisation, ça doit conduire... Non, on n'a pas encore vraiment maintenant d'arguments convaincants, on n'a pas encore des raisons, les conditions suffisantes ne sont pas encore remplies pour que ce découpage administratif puisse apporter les résultats qui ont été annoncés par le secrétaire général de l'État. Est-ce que ma question aura raison d'être finalement? Que gagne le citoyen? Disons que maintenant, on est au début, on est en train de repenser, de revoir cette réforme, et on est encore vraiment, on est encore peut-être à l'initiation de cette réforme. On ne l'a pas encore adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. On n'a pas encore adopté les mesures d'accompagnement. On n'est qu'au niveau des propositions, au niveau des suppositions. On peut même se projeter dans l'avenir, mais on n'a pas des éléments suffisants pour juger, pour apprécier la pertinence de cette réforme. Mais comment les citoyens vont-ils accéder aux services publics au regard de la distance à parcourir pour arriver au chef-lieu de la commune? Par exemple, on dit que la commune, c'est un point de développement du pays. Bon, disons que le gouvernement, dans le Conseil des ministres du 15 juin, parmi les mesures à mettre en place, ils avaient proposé la digitalisation des services publics, des services communaux. Des fois, on peut se poser la question, parce que la commune sera agrandie, et peut-être aussi la population va augmenter. Et aujourd'hui, normalement, même les distances que les populations parcouraient pour accéder aux services, étaient déjà des distances parfois énormes. Maintenant qu'on va avoir une commune qui a été multipliée par 2 ou par 3, par 4, la distance va augmenter. Donc, il va se poser la question d'accès aux services, d'accès aux documents administratifs, et on propose la digitalisation. Mais nous sommes tous des Burundais. Quel est le niveau technologique de ce pays, le niveau des nouvelles technologies de l'information, de l'accessibilité de ces services dans ce pays, dans ce Burundi, pour que peut-être un citoyen lambda qui est chez lui dans sa maison puissent accéder. Est-ce que nous avons accès à l'Internet? Est-ce que nous avons accès à ces téléphones portables qui sont smartphones, etc., ou Android, pour qu'on puisse dire, voilà, je peux accéder parce que les services sont digitalisés. Quel est le coût de la digitalisation? Est-ce qu'on a déjà pensé au coût de la digitalisation des services publics burundais? Jusqu'à quel niveau est-ce que de la province, de la commune, de la zone, ça a été chiffré à combien? Parce qu'on dit on va trouver les moyens nécessaires pour conduire cette politique, mais déjà dans le budget que les honorables ont déjà adopté, est-ce qu'il y a ce budget de digitalisation des services publics burundais, des services communaux burundais? Je ne pense pas. Donc ce qui fait que on est encore au niveau des idées. Peut-être qu'il faudrait continuer à expliquer cette politique si vraiment les raisons qu'ils ont avancées, s'il n'y a pas d'autres agendas qui sont derrière. La nouvelle réforme, c'est encore un projet de loi. Mais d'emblée, est-ce qu'on peut parler, j'ai posé la question à l'honorable Agathon Rwasa, est-ce qu'on peut parler de décentralisation ou déconcentration? Disons que ce sont les deux. Alors, déconcentration... Déjà, quand on parle des déconcentrés, c'est au niveau des provinces. Mais réduire le nombre de provinces, ça n'empêche pas que les gouverneurs de provinces vont toujours dépendre de l'administration centrale, qu'on ne va pas élire les gouverneurs de provinces. Ils n'ont pas accès aux comptes bancaires, ils n'ont pas de ressources à gérer. Donc, ce sont des autorités qui dépendent vraiment de l'administration centrale. Mais la décentralisation, si on réduit les communes, on dit que dans les critères ou dans les objectifs, c'est que de rapprocher le pouvoir des citoyens. Mais déjà, la politique de décentralisation avait commencé en 2005. Et on est en pleine politique de décentralisation. C'est vrai qu'il y a eu des évaluations qui ont été faites ici et là pour chaque commune ou pour d'autres, mais peut-être qu'on n'a pas encore réussi à faire une évaluation de cette politique de décentralisation. Mais on est déjà dans cette politique de décentralisation et on ne voit pas si réellement la réforme qui a été annoncée va renforcer la décentralisation, parce que qui dit décentralisation dit donner le pouvoir, par exemple, aux citoyens d'élire leurs dirigeants, peut-être de participer dans les séances ou dans les planifications de leur développement, ou peut-être être impliqué dans la gestion de leurs services publics. Mais est-ce que tout ça va être amélioré? Par exemple, pour la désignation des dirigeants, nous avons toujours des listes bloquées. Est-ce que le citoyen pourra élire librement ses représentants, ou ça sera toujours vraiment du domaine réservé des permanences des partis politiques? Est-ce que dans les séances de... Dans la CENI d'abord. De la CENI, parce qu'il faut revoir le code électoral. Est-ce que, par exemple, pour la planification, l'implication de la planification du développement, est-ce que les citoyens qui habitent dans nos collines, même s'il y a des séances, des séances de consultation, est-ce qu'on tient compte beaucoup de ce que ces populations expriment? Est-ce que le plan communal de développement communautaire tient compte effectivement des désidérata de la population? Est-ce que donc il y a encore des questions qui sont toujours là et qu'on ne voit pas tant que ces mesures d'accompagnement, ces mesures de mise en œuvre de cette réforme ne sont pas là? On risque de se poser beaucoup de questions. Il y a tant de questions, comme vous le dites. Je vais poser la même question à vous. Francis Dohero, renforcer la décentralisation. Est-ce que cette nouvelle réforme va renforcer la décentralisation? Je pourrais aller loin parce que quand on se pose des questions, jusque-là, j'aurais aimé que la raison principale soit une raison économique au lieu d'être une raison politique. Donc, quand on me posait une question, si c'est la décentralisation, je reviens sur ce que j'ai toujours dit. La population n'a pas besoin d'un individu XY. Il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a dit, nos pays africains, on n'a pas besoin des hommes forts. On a besoin des États qui sont forts. C'est-à-dire qui sont capables d'offrir à la population ce dont ils ont envie, comme vie. C'est-à-dire... la population burundaise a besoin des écoles, mais pas seulement des écoles comme infrastructure, mais des écoles comme essence, comme ce que l'école permet à un individu. Et la population burundaise a besoin des hôpitaux, pas des infrastructures, des maisons, mais ce que l'hôpital peut offrir à quelqu'un qui est malade, qui en a besoin. Jusque-là, donc, quand moi je parle de décentralisation, c'est-à-dire, est-ce que la population burundaise, avec cette mesure, est-ce que la population va accéder à moindre coût, avec assez de joie à ce dont il a envie? Je ne suis pas d'accord jusque-là. C'est-à-dire, il y a d'autres investissements, il y a un pas important à faire avant que cette mesure n'entre en, en pratique. C'est-à-dire, quand moi je pose la question, est-ce que c'était important que cette mesure entre aujourd'hui en vigueur? Est-ce que c'est vraiment une mesure? Est-ce qu'on a besoin vraiment de tout ce débat pour parler de cette mesure des provinces? Il y a beaucoup d'autres choses que moi je pense qui devraient être prioritaires. C'est notamment les investissements. Est-ce que économiquement dans son pays, on est en train d'investir pour que les 12 millions d'habitants au Burundi arrivent à manger à leur suffisance? Est-ce qu'on est en train d'investir pour qu'ils reçoivent franchement tous les services à moindre coût? Ce n'est pas un administrateur, ce n'est pas un gouverneur qui va être nommé, ce n'est pas un chef de zone qui va avoir assez de puissance qui va leur donner ça. Pour que la population arrive à avoir ce dont il a besoin à moindre coût, il faut des investissements colossaux dans la plupart des domaines. Est-ce que la population va accéder à l'école, à l'hôpital, va avoir ce dont il a besoin à moindre coût? C'est la question que pose Francis Lohero. Honorable Agathon Rwasa, vous, qu'est-ce que vous allez en dire? Bon, ce que je peux en dire, c'est quoi? Je reviendrai peut-être un peu en arrière sur ce qu'a dit notre frère ici, Lohero. Une réforme administrative a des objectifs. Ça peut être sécuritaire, ça peut être politique, ça peut être économique. Maintenant, je ne pense pas être en mesure de dire quelle nature d'objectif est visée par cette réforme. Parce que je n'ai pas été consulté. C'est une réforme du pouvoir en place. Il a ses objectifs. Quand on a émietté les communes il y a quelques temps, on le voyait, c'était pour des raisons sécuritaires. Question de surveiller la population. Mais aussi, donner de l'emploi à des gens qui risquaient de poser des problèmes. Maintenant, on réforme, on veut réduire les entités administratives, mais comme je l'ai dit, on augmente les zones, on augmente le nombre de collines. En même temps, on diminue au niveau des provinces et des communes. Là aussi, il y a un certain hic. Au niveau des zones et des collines, là, c'est surveiller cette population. Au niveau des provinces et des communes, peut-être, c'est l'aspect économique, je ne sais pas. Est-ce que la population va tirer avantage de cette réforme? C'est le gouvernement qui pourrait répondre. Mais pour moi, lorsque nous avons toujours pensé à ce qu'on réduise le nombre d'entités administratives, c'était beaucoup plus la vision économique qu'autre chose. Parce que les Burundais ont besoin d'atteindre un certain niveau de bien-être. Si cette réforme vient pour répondre à cette préoccupation majeure, ça serait bon. Mais si ça vient pour des raisons politiciennes, pour des raisons électoralistes par exemple, là, on aura raté le train et on n'arrivera pas à bon port. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Vous pouvez nous avoir capté en cours de route et je rappelle que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui porte sur la nouvelle délimitation territoriale en cours. C'est encore un projet de loi qui a été adopté le 15 juin en Conseil des ministres avec un accent particulier sur comment les citoyens vont accéder aux services publics. Avec nous, trois invités, à savoir honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, président du parti CNL, Congrès national pour la liberté. Il était candidat à la présidentielle de 2020. Francis Lohero, lui aussi, il a été candidat à la présidentielle de 2020 en tant qu'indépendant, ainsi que professeur Siméon Baroumouete, politologue, enseignant d'université. Puis, je vous demandais d'écouter ensemble les points de vue de certains habitants de Kayanza par rapport à ce projet de loi. On a appris ça par téléphone sans être mis au courant. Normalement, nous sommes habitués à être informés, mais c'est par le Conseil des ministres via les médias qu'on a entendu que le nombre des provinces a été réduit. Mais j'espère que cela nous avantagera. Attendons la mise en application de cette loi. Peut-être que c'est une bonne décision, puisque ça émane de nos autorités, mais je doute fort qu'on aura des des difficultés de s'y adapter. Par exemple, notre province est devenue la province d'Outagnerira. Je trouve qu'il fallait d'abord nous demander de notre avis afin de réfléchir ensemble, puisque c'est dans le cadre de développer le pays. C'est vrai, on ne peut pas refuser ce qui a été décidé par nos autorités en tant que la population. De notre côté, on va mettre en application cette loi. Seulement, je trouve que cette jeune génération aura des difficultés au niveau de la compréhension. Sinon, non, nous n'avons aucun souci. J'ai pas bien accueilli cette loi réduisant le nombre de provinces, comme quoi, si on a besoin de documents au niveau de la commune, il faudra se rendre en Ngozi comme on l'a attendu. Donc, il n'y a pas de nouveau là-dedans qui avantagera la population. Je ne vois pas aucun bénéfice, par exemple, en faisant un long trajet pour l'enregistrement de l'état civil. Je propose la décentralisation des services communaux, sinon de Kayanza vers Ngozi, c'est un long trajet pour nous. Ça n'a aucun intérêt pour nous parce que de Kayanza vers Ngozi, il y a une grande distance. Professeur Simeon Barumwete, avec ce projet de loi justement sur la nouvelle délimitation territoriale, est-ce que la Constitution de la République va rester comme elle est aujourd'hui ou sera modifiée? Normalement, je ne pense pas qu'elle peut être modifiée sur base uniquement de cette loi. Je ne sais pas si vraiment, parce que ce n'est pas pour la première fois, parce qu'en 2005, il y a eu les élections communales, la loi communale qui est sortie après qu'on avait la Constitution. La Constitution n'a pas changé. En 2014, il y a eu la loi communale, la Constitution n'a pas changé, alors que les délimitations des communes, le nombre des communes avait changé. Donc je ne vois pas vraiment si ça va impacter l'amendement ou la révision de la Constitution, à part peut-être ce que, vous savez, même dans la Constitution, il est écrit qu'ils ont donné un mandat pour le Sénat durant ces cinq prochaines années, depuis 2020 jusqu'en 2025, que peut-être le Sénat va étudier si les quotas contenus dans les quotas ethniques contenus dans la Constitution pourraient être, comment dire, reconduit ou pas. C'est à l'article 289. 289. Alors, je ne sais pas si alors où se trouve le Sénat dans cette étude, mais je pense que les découpages administratifs, à mon entendement, ne vont pas impacter la révision de la Constitution. Sauf peut-être si, parce que c'est pas écrit que, par exemple, pour avoir le poids, le nombre de parlementaires, dans la Constitution de 1992, on parlait de 100 000 habitants, un député pour 100 000 habitants. Maintenant qu'il y aura une nouvelle reconfiguration, etc., peut-être que les parlementaires on pourra peut-être revoir d'autres formes de représentativité pour dire peut-être la logique sera aussi peut-être de réduire le nombre de députés, peut-être le nombre de sénateurs. Parce que là, on voit que c'est vraiment la logique de réduire les charges de l'État, que ce soit pour le Parlement, mais aussi pour peut-être les communes. C'est à l'article 185 où on parle justement de ce nombre de sénateurs par province. C'est deux par province, ça veut dire qu'on va avoir 10 sénateurs. Trois. Ça ne va pas changer. On va par après coopter. On va peut-être coopter 3-3 pour l'Assemblée nationale et 3-3 pour le Sénat. Donc, je ne vois pas si vraiment ce découpage administratif pourrait vraiment déboucher sur la révision de la Constitution. La Constitution peut rester ainsi, comme elle est aujourd'hui, honorable Guassa. Bon, elle peut rester comme elle est. Donc, 13 sénateurs. Mais aussi, elle peut être modifiée à certains de ses articles. Je pense qu'au niveau de la loi, si le code électoral, par exemple, assimilait une circonscription électorale à la province, ça ne va pas nécessairement rester comme tel. Et donc, si par exemple, je me réfère à ce que vient de dire le professeur Barmouette, si on compte qu'un député représente en termes de quota 100 000 habitants, vous comprendrez que peut-être on sera obligé de redéfinir ce que c'est qu'une circonscription électorale. Auquel cas, si on redéfinit une circonscription électorale, cet article 185 de la Constitution devra être retouché. On ne va pas réviser la Constitution à tous ces chapitres peut-être, mais j'estime qu'il y a un travail de retouche à certains textes normatifs. le code électoral, la loi communale, peut-être même cette loi qui est prévue à l'article 9, qui parle du découpage territorial, par exemple. Tout ça, je pense qu'il y a un bon boulot à faire pour qu'effectivement, on puisse mettre à profit de la population ces changements qu'on veut opérer au niveau du redécoupage territorial. Sinon, ça serait plutôt un peu désagréable de voir qu'on cherche uniquement à réduire les charges de l'État, alors qu'on va poser encore davantage de problèmes à des citoyens. À ce moment-là, c'est cette théorie-là de la décharge qui serait mise en exergue. Alors qu'on veut réellement que les institutions soient beaucoup plus performantes par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Sinon, dans l'ensemble, on peut dire que les défis qui seraient liés à cette nouvelle réforme de nouvelles délimitations territoriales, les défis, ce sont lesquels selon vous? Et c'est la question que je pourrais poser à tout le monde. Le premier défi, c'est l'accessibilité des administrations publiques par la population. Parce que la digitalisation, ce n'est pas du tout une panacée. C'est une des voies qui va permettre à la population d'accéder aux différents services. Encore que là aussi, il y a ce défi des capacités de la majorité des Burundais à recourir à ces moyens modernes de communication. Deuxième défi, ce sont les compétences de ceux qui vont être en charge des entités administratives, que ce soit l'administrateur, que ce soit le chef de zone, que ce soit le chef de colline, que ce soit le gouverneur de province. On était habitué à servir une population peu nombreuse par rapport à ce que va être la population qui est censée être là à la requête des services de l'administrateur ou de telle autre autorité administrative. Et donc, ça requiert des compétences supérieures par rapport à ce qui est actuellement. Un autre grand défi. C'est beaucoup finalement. Oui, c'est la qualité même des services. Parce que si on ne travaille pas au niveau de la qualité des services, ça sera difficile de répondre aux aspirations des populations. C'est vraiment une réforme colossale, si je puis me permettre le terme. Ce n'est pas que redécouper les territoires, mais encore faut-il travailler à ce que le pouvoir soit réellement au service de la population. Réforme colossale, Francis Rohiro, réforme colossale, mais qui a beaucoup de défis. Oui, je reviens d'abord sur ce qu'a dit la population de Kayanza. C'est-à-dire qu'à écouter les lamentations, ils disent que Ngozi, c'est très loin. L'incapacité même d'arriver au chef-lieu de la commune, c'est-à-dire qu'il y a une incompréhension au niveau public. Quel est le rôle d'un gouverneur? Quel est le rôle d'un administrateur? Parce qu'à un moment donné, on pense que celui qui devient autorité, il a toutes les compétences pour nous offrir ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas. Alors que pour moi, le gouverneur a un rôle, c'est de faire asseoir le programme du gouvernement dans son territoire. Au moment où l'administrateur, il est élu par le peuple, de façon indirecte bien sûr, mais il est là pour représenter la population pour qu'elle puisse réclamer ce que le gouvernement a promis. C'est-à-dire qu'à ce niveau, c'est-à-dire que la population n'est pas convaincue du rôle. Et elle n'est même pas convaincue que le nouveau chef de zone ou le nouveau monsieur au niveau de la colline sera capable de leur offrir ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont habitués à une logique chez nous, ici au Burundi, vous le savez. Quand quelqu'un accède à une responsabilité, tout le monde pense qu'il va lui demander quelque chose, c'est-à-dire l'esprit de Gusabijambo, c'est-à-dire vous devenez une autorité et tout le monde court vers vous. Ce n'est pas à vous d'aller chercher la population, mais c'est la population qui court vers vous. Cette population va penser à vous, c'est-à-dire que quelqu'un qui est à Bukeye, aujourd'hui il est en train de se poser la question, si je n'ai pas ce que je veux dans ma colline, je vais courir vers Muravya, chez l'administrateur. Si celui-ci n'est pas prêt à me donner ce que je veux, je vais aller à Gitega, voir le gouverneur. C'est-à-dire que quand il pense à tout ça, avec le manque d'investissement dans les autres domaines, c'est-à-dire le manque de revenus au niveau de la famille, au niveau de chaque individu au Burundi, c'est-à-dire que ça devient un casse-tête pour la population. C'est-à-dire que la bonne mesure qui va être prise comme défi. C'est-à-dire, la population est déjà dans la crainte. On n'aura rien parce qu'on est habitué à avoir ce qu'on veut en allant chercher le chef. Au moment où, au niveau inverse, il n'y a pas une procédure pour que la population accepte. Est-ce que justement, il peut y avoir ce sens inverse où le c'est justement ce que ça devrait. C'est là où c'est ce que ça devait produire. Comme on l'a dit, l'honorable Gossard vient de le dire aussi, ça dépend de la conviction de l'autorité quand il instaure cette mesure. Parce que regardez par exemple dans la logique de procédure de comment on accède à des biens au niveau de notre pays. Il est difficile quand vous posez la question à n'importe qui au Burundi, quelle est la procédure pour avoir une parcelle? Quelle est la procédure? Même si je te pose la question ici, quelle est la procédure? Chacun peut-être a une parcelle, on ne sait pas comment il a fait. Si cette procédure n'est pas connue, c'est-à-dire qu'on est obligé soit de passer par de la corruption, de nous arranger pour chercher le chef, si c'est possible même le chef suprême, il y a même des gens qui vont chercher le ministre pour avoir une petite chose comme la parcelle qu'on devrait avoir, qui devrait être naturellement réel. Quand moi je veux un passeport, je dois faire la queue à la PAF. Est-ce que c'est nécessaire que j'aille faire la queue? C'est-à-dire que la décentralisation chez nous, cette population, elle pense que je dois aller chercher le chef, passer à côté, si c'est possible, téléphoner le commissaire général de la PAF, je veux un passeport, je suis le ministre, je veux un passeport. Alors qu'il y aurait une facilité, nous avons des postes de police partout où nous habitons, ce serait facile de remplir un formulaire, de le donner au chef de poste dans notre localité, qui lui-même s'organise pour le faire arriver à la PAF et m'offrir un passeport si je lui donne une quittance, un reçu de l'OBR. Donc, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à traduire nos besoins selon une procédure réelle de comment on accède aux biens qu'on veut dans notre pays, donc cette mesure ne viendra changer quoi que ce soit. Je vais encore plus loin. Quand je lis très bien ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que la population se lamente. C'est-à-dire que l'autorité aujourd'hui, qui est issue des élections de 2020, instaure une mesure qui vient, mais toute la population n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps pendant 10 ans que les hommes politiques, comme Francis ou comme M. Agathon Rwasa, d'expliquer à la population nos programmes, de dire ce qu'on pense, qui, au cas échéant, si vous arrivez au pouvoir, personne ne soit surpris que vous preniez une mesure quelconque. C'est-à-dire que ça tombe du ciel. Tout le monde pense que ce n'est pas bien parce que ça n'a jamais été dit. Personne n'a jamais parlé de ça. Et c'est comme si on est en train de légiférer, de prendre des mesures uniquement pour un objectif de 2 ans. Il y a des élections en 2025 et on est en train de chambarder des choses juste parce qu'il y a cet objectif qu'on voit. Au lieu de penser à 50 ans, qu'est-ce que le Burundi sera dans 50 ans? Qu'est-ce qui sera utile pour nos enfants dans 50 ans? Comment ils vont vivre? On est en train juste de penser dans 2 ans. Et malheureusement, après 2 ans, après 2025, on va encore chambarder pour 2027. Et malheureusement, des fois, on va, comme il a dit le professeur, on va encore faire d'autres réformes pour 2030. Parce que chaque fois, quand on a peur du lendemain, on se rabat sur la possibilité de légiférer et on change tout, malheureusement. Professeur Siméon Barmouet, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce défi? Bon, il y a énormément de défis. Le premier défi, si vous voulez, c'est... on voit que le gouvernement, effectivement, veut transférer certaines compétences aux communes parce qu'ils disent, voilà, nous voulons des communes qui sont viables financièrement. Mais les communes, on ne va pas les inventer, ce sont des communes qui existent déjà dans nos territoires avec des ressources du milieu qui sont connues. Donc les communes ne vont pas se retrouver parce qu'elles ont été regroupées. Les ressources ne vont pas augmenter pour autant parce qu'elles ont été regroupées. Si vous regroupez Rusaka, Gisozi et Mugamba, elles vont rester les mêmes communes avec les ressources. Les revenus seront toujours peut-être, etc. Donc, si vous voulez, le grand défi, c'est cet État qui doit comprendre que la décentralisation déjà connaissait des problèmes structurels, au bon dit, et que c'est l'État, au lieu de dire qu'il est en train de voir comment réduire les charges, réduire ses charges, plutôt vraiment d'investir dans les communes, d'arriver au quota qui s'était fixé lui-même, ça veut dire au moins transférer dans les communes au moins 15% de son budget. Or, jusqu'à présent, malgré les 570 millions qui sont offerts à chaque commune, on n'a pas encore atteint ce niveau de... C'est juste 89 milliards sur 2 milliards. Sur 2 milliards. C'est moins de 1 000 milliards. C'est moins de 8%. Donc, la réussite de la décentralisation, c'est vraiment une impulsion, une volonté politique qui doit être manifeste et c'est l'État. Donc, c'est vraiment, je ne voudrais pas entrer dans cette théorie de la décharge pour dire, voilà, peut-être au niveau central, les services sont dysfonctionnels, peut-être l'État est devenu déliquescent, entre guillemets. Ils ne font pas transférer, reproduire la même chose au niveau des communes, ne pas leur donner les moyens suffisants pour agir et commencer peut-être à demander plus qu'on donne aux communes. Donc, si vous voulez, ça, le premier défi, c'est vraiment le manque de ressources suffisantes, de ressources financières pour les communes, à lesquelles on demande vraiment d'assurer les services publics locaux, la santé, l'éducation, la voirie urbaine, l'hygiène, alors qu'ils n'ont pas assez de moyens. C'est à l'État de donner ces moyens, la première chose. Deuxième défi, c'est ce défi de digitalisation. Avoir l'état actuel des nouvelles technologies de l'information, de la communication, l'état du Burundi, alors que c'est posé comme la première condition d'opérer cette réforme, combien de Burundais ont accès à l'Internet, combien de Burundais ont accès au téléphone, au smartphone ou Android. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui doit commencer avant de réaliser cette réforme? Faut-il commencer d'abord à s'engager dans cette digitalisation des services publics et après penser à cette réforme de l'administration? Donc, ça, c'est vraiment l'autre défi. Et l'autre défi, à mon avis, c'est comment est-ce que... Parce qu'il reste encore des mesures d'accompagnement, de mise en œuvre de cette réforme. Il faudra revoir, il faudra redéfinir les pouvoirs du gouverneur, les pouvoirs de l'administrateur, les pouvoirs du chef de zone, pour qu'on puisse voir que finalement, avec les craintes des gens de Kayanza, si on augmente... On améliore les pouvoirs des chefs de zone, de chefs de colline, etc. Peut-être que ces questions qui étaient posées d'accès aux services, d'accès aux documents administratifs, peut-être qu'ils seront réduits si on pouvait aussi décentraliser les services communaux au niveau des zones ou au niveau d'autres. Peut-être nous sommes en train d'avoir des bureaux, par exemple, des chefs de colline, si on pouvait aussi transférer certains pouvoirs au bureau des chefs de colline. Je reviens vers vous très bientôt, honorable Agathon Gwasa. Il y a beaucoup de défis, mais un appel au pouvoir public ou des propositions pour que cette nouvelle délimitation territoriale facilite les citoyens à accéder aux services publics. Mon appel est simple. Il ne faut pas que le parti au pouvoir se mure dans une tour d'ivoire. Il faut qu'il se rende compte que ce Burundi, c'est pour tous les Burundais. Et que pour des questions cruciales comme celle-ci, une concertation est plus que recommandée. Si on doit améliorer les services, il faut que l'on pense à faire collaborer tout le monde. Une vision nationale n'écarte personne. Parce que, comme je l'ai dit, certains textes devront être retouchés. Il ne faudrait pas que ces retouches-là soient uniquement une appropriation du CNDD-FDD. Il faut que ça soit public. Il faut chercher à ce que tout le monde contribue. Parce que de bonnes lois feront avancer ce pays. Tandis que des lois qui sont taillées sur mesure ne feront que handicaper le développement. Il y a lieu d'espérer. C'est encore un projet de loi. Oui, c'est un projet de loi. Mais il faut donc, dès maintenant, il faut penser à changer de façon de faire et d'associer tous les Burundais. C'est ce qu'a dit Rohero. Il faut que l'on vise... Plus loin, il faut penser à un Burundi dans 30, 40, 50, même 100 ans. Et ne pas être juste là pour des raisons plutôt politiciennes, électoralistes ou autres. Francis Rohero, il faut que cette réforme aille dans le sens dans l'intérêt des citoyens. Je poserai peut-être la question au fond de moi-même. Quelle est la motivation de l'autorité quand il prend des décisions? C'est ce qui me semble important. Je demanderai peut-être aux autorités... Pas seulement du pouvoir, mais l'autorité, parce qu'il y a beaucoup de Burundais qui ont une certaine autorité, peut-être en commençant par le chef suprême, le président, qu'ils revoient eux-mêmes au fond d'eux, parce que des fois on n'est pas ensemble, on n'est pas dans des mêmes groupes pour penser. C'est même pas évident qu'on se voit. Ça fait longtemps, je n'avais pas vu M. Gwasa, vous venez de nous faire rencontrer. Donc on ne partage pas nécessairement les mêmes groupes, mais peu importe les groupes où ils sont, il faut qu'on privilégie la force de notre pays au lieu de la force des groupes. Parce qu'à un moment donné, quand la motivation est juste de promouvoir les groupes, la motivation ne pourra jamais satisfaire la conviction d'une nation. Et c'est franchement le problème qui nous étouffe comme peuple. On est toujours en train de se lamenter. Le pouvoir aujourd'hui se lamente de ce qui s'est passé avant eux. Vous avez souvent entendu qu'ils disent de tout le mal qui a été fait avant eux. Est-ce que ceux qui viendront après, est-ce qu'ils ne diront pas la même chose? C'est-à-dire que la conviction aujourd'hui qu'ils ont, quand ils prennent des décisions, qu'ils prennent le temps à l'imaginer, même s'ils ne nous fassent pas participer, parce que moi, ce n'est pas ce que je demande trop, me faire participer nécessairement, mais les bonnes choses qui sont dites ici et là, le monde entier est plein de bonnes idées politiques, de bonnes idées économiques. Il faut qu'ils cherchent une motivation à chercher cette intelligence, à s'entourer de personnes capables de leur donner franchement une motivation concrète qui fait que ce pays avance. Merci. Professeur Simeon Baromwete, un appel au pouvoir public ou un clin d'œil pour que cette nouvelle réforme aille dans le sens de faciliter la population à accéder aux services publics, comme on le disait. Moi, j'étais en train de me demander, parce que maintenant, nous aurons des communes très agrandies, ça veut dire qu'ils ont en charge une population très élevée, et ça va donc demander maintenant aux agents communaux une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire, notamment dans les prestations de services. Est-ce que avec cette décentralisation, il y a moyen d'améliorer la qualité des services, notamment que ce soit au niveau de l'accueil, que ce soit au niveau vraiment du temps qu'on passe pour traiter les dossiers? Est-ce que ça va être amélioré? Parce que les gens feront beaucoup de distance pour arriver au chef-lieu de la commune ou au chef-lieu de la zone. Est-ce que les agents communaux qui seront recrutés auront cette conscience que finalement la population sera cette fois-ci dans des difficultés d'accès géographique aux services et avoir amélioré la qualité des services? Est-ce que le coût des services vont, encore une fois, si je vais à l'école, tu vois, les coûts très simples, par exemple, les frais scolaires, par exemple, pour le centre de santé, peut-être le coût des actes. Parce que tout ça, c'est, si on décentralise, c'est pour qu'effectivement, il y ait amélioration des conditions de vie des populations et qu'ils accèdent aux services facilement. Est-ce que tout ça, est-ce qu'on va donner beaucoup plus la parole, le pouvoir aux citoyens pour que vraiment ils soient impliqués dans tout ce qui le concerne? Ça, c'est vraiment les défis qui sont là, qui étaient posés déjà dans la décentralisation actuelle. Et maintenant qu'on vient peut-être de donner un nouvel élan, un nouveau souffle à cette politique de décentralisation, est-ce qu'il y aura cet accompagnement au niveau de l'éthique des fonctionnaires locaux pour qu'ils soient sensibles, qu'ils puissent faire face aux nouvelles responsabilités, aux nouvelles fonctions? Ça, c'est vraiment la première chose. Et sinon, ce que je pourrais proposer, c'est de mettre en place une politique de la qualité des services au niveau communal pour que les services qui sont en place, qui sont présents, qui sont disponibles dans les communes, puissent être assurés dans les meilleures conditions. Mais pour cela, il faut que les agents communaux s'engagent à prester, à donner des services de qualité. Et s'ils ne le font pas, il faut peut-être prévoir ce qu'on pourrait appeler comme étant la fonction publique locale, pour qu'il y ait un statut qui soit reconnu de ces fonctionnaires locaux, et que s'ils ne se comportent pas correctement, ils puissent aussi être sanctionnés, mais aussi qu'ils puissent vraiment entrer dans une carrière, dans tout ce qui concerne une carrière, et comme ça, c'est là où peut-être ils peuvent travailler de manière motivée, mais aussi peut-être être tout près de la population avec les nouveaux engagements. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci de votre participation et de votre contribution à cette émission Mosaïque. Merci beaucoup. Merci à vous, Francis Rojero. Je rappelle que vous étiez un candidat indépendant à la présidentielle de 2020. Merci d'être venu et merci de votre contribution. C'est moi qui vous remercie. Et merci de votre contribution et participation à cette émission Mosaïque, honorable Agathon Loisa. Vous êtes le président du parti CNL, député de l'Assemblée nationale. Vous aussi, vous étiez candidat à la présidentielle de 2020. Merci pour votre invitation et je vous exprime mon entière disponibilité chaque fois qu'il y a besoin. Merci. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la nouvelle délimitation territoriale en cours. Un projet de loi y relatif a été adopté le 15 juin en Conseil des ministres. Un accent particulier a été mis sur l'accès des citoyens aux services publics. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Alain Désiré Wukeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.